Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale. Kevin Laramé avec Tristan Lamour. Tristan, bonsoir. Bonsoir. Victoire de 1-0 de l'Impact de Montréal, mais je sais pas pour toi, j'ai un certain sentiment de déception après quelques occasions marquées et surtout après la chance de l'Impact de prendre une grande avance avant le match retour la semaine prochaine à Vancouver. Ouais, le match était vraiment prenant du côté de l'Impact. Il y a eu énormément de chances, 14 tirs et juste 4 cadrés. Vraiment une opportunité. Honnêtement, on pourrait dire que c'est pas chanceux. Je pense surtout à Anthony Jackson-Hamel qui touche le poteau deux fois et se trouve hors-jeu sur le but qu'il marque. En fait, je me sentais vraiment mal pour Jackson. C'était juste de la malchance, le rendu là. Un autre joueur pour qui moi je me sentais très mal, c'est Michael Petrasso, qui faisait un retour au jeu depuis quelques matchs qu'il n'avait pas joué. Et c'est intéressant que Rémi Garde mentionnait dans son commentaire d'après-match à quel point c'était important de voir des joueurs qui n'ont pas nécessairement eu la chance de vivre les moments glorieux de l'Impact au cours des quelques dernières semaines, d'avoir leur chance de jouer avec une équipe pleine de confiance. Et on l'a vu, un Petrasso est capable de bénéficier de cette confiance et de jouer peut-être son meilleur 30 minutes de la saison pour l'Impact. Mais malheureusement, coup à la tête, grosse entaille, profusion de sang. Et Petrasso se doit d'être substitué pour Juca Raitala. Oui, c'est vraiment dommage pour Petrasso. Surtout, c'est toujours bien de voir un Canadien qui est quand même assez jeune, qui est encore dans le programme de l'équipe nationale. On lui souhaite prompt rétablissement, certainement. C'est encore une entorse du côté de la profondeur, du côté de l'Impact. Il y a beaucoup de blessés cette année. Et Petrasso, on arrive à un point assez charnière pour l'Impact. Là, on a un gros voyage à Portland. Après, on a le match retour à Vancouver. De perdre Petrasso, ça fait mal. Ce qui est dommage aussi, on mentionnait justement Jackson Lemieux il y a quelques instants, il aurait pu utiliser ce match pour être capable de se relancer un peu sa saison. Lui qui a eu de la misère à trouver le 11 partant, ou même le terrain tout court durant cette saison jusqu'à maintenant, avait une chance, a démontré beaucoup d'aptitudes, a démontré du travail, a démontré de l'acharnement. Mais tu mentionnais des poteaux, mentionnais des tirs ratés et aussi une certaine malchance sur un hors-jeu, pris derrière un joueur de Vancouver avec un rebond. Mais est-ce que Jackson t'a convaincu pour être capable d'avoir d'autres temps de jeu bientôt si sa blessure n'est pas sérieuse? Parce qu'il vient de passer devant nous, toujours un petit touché à la jambe gauche qui est arrivé durant la première demi et qui a duré tout le match. Est-ce que Jackson en a démontré assez, selon toi, pour mériter d'autres temps de jeu? Ben aujourd'hui offensivement, je trouve qu'il a bien été capable de se trouver des espaces. Il a été capable de jouer dos au but, quasiment à la Altidor, dos au but, de mettre assez de puissance. Je dois avouer, je suis un peu biased parce que c'est un jeune joueur canadien. J'espère que dans le futur, il va être capable de se tailler une place solide comme attaquant du côté de l'équipe canadienne. Mais bon, avec tout ça de côté, reste que l'Impact, les attaquants de l'Impact, les strikers purs, ça a vraiment été difficile. On parle de Mancosu qui, à chaque fois, on dirait qu'il manque une chance. C'est ce qu'on appelle en anglais un « howler ». C'est à chaque fois, mais défensivement, il est capable d'aider un peu plus. Mais du côté de Jackson, on a entendu un Rémi Garde qui était positif à son égard, surtout défensivement. On parle énormément du côté de Rémi Garde, du travail défensif de chaque joueur, peu importe la position. Reste qu'un attaquant, c'est censé mettre des buts. Jackson Hamel, qui est passé devant nous il y a à peu près 5 minutes, je suis sûr que si tu lui demandes, c'est clair qu'il est pas content de sa performance. Il est pas content de n'importe quoi, même si défensivement, il est solide. Tu lui demandes, tu préférerais troquer ça pour un but, il ferait ça dans un claquement de doigts. Il n'avait pas l'air des plus contents non plus, justement. Et désolé, j'avais une guêpe qui me piquait, donc je devais agir, et c'est le cas. Tu parlais d'un joueur, Jackson Hamel, à quel point il est important aussi. Un des derniers représentants du FC Montréal. On n'en parlera jamais assez, mais un frère d'un représentant du FC Montréal a fait ses débuts ce soir pour l'Impact de Montréal. Mathieu Chouinard a joué quelques minutes en fin de match. On ne parlera pas nécessairement de son match en tant que tel. On n'a pas vu assez. L'échantillon n'est pas assez grand pour pouvoir apporter un grand commentaire. Mais un autre joueur de l'Académie signé pour l'Impact de Montréal, même si c'est dû peut-être au règlement canadien d'avoir trois Canadiens sur le 11 partant et cinq Canadiens total dans le 18. Mais est-ce que Mathieu Chouinard, selon toi, sera capable d'avoir d'autres minutes de jeu dans les quelques semaines à venir? C'est la question à 100 000 $ mais il y a eu, du moins dans le milieu axial, une volonté d'Éric Migard de jouer des jeunes joueurs. On voit Ken Kolicki depuis des lustres, depuis le début de la saison. Ken Kolicki joue, même si beaucoup de monde, beaucoup de partisans de l'Impact, on l'entend sur Twitter, ne sont pas convaincus. Moi, il me convainc, Ken Kolicki, personnellement. Je trouve que c'est le meilleur joueur sur le terrain pour moi, des deux équipes même aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc là, on voit Kolicki. On a vu Chamit Chaume récemment. Mathieu Chouinard peut-être faire ça. Rémi Garde qui disait après le match que Mathieu Chouinard n'était pas si loin de la MLS qu'on pense. Donc, on voit ça d'un bon œil du côté du staff technique. Moi, j'aime bien. On a vu Mathieu Chouinard jouer à peu près 4, 5, 6, 7 minutes, on dirait à peu près, avec les temps additionnels. Mais c'était sous un 1-0. Donc, c'était pas un 4-0 où on le fait jouer juste pour qu'il y ait des minutes. C'est clair que dans un certain sens, c'était plus un peu pour lui dire félicitations. Mais c'était des minutes importantes, un milieu axial avec une responsabilité défensive. Tu sais, c'était pas pour rien. Mais d'un certain sens, moi, je vois d'un bon œil qu'on aille fait jouer Mathieu Chouinard. Et aussi, il faut donner une mention à Clément Baillat, qui est aussi un représentant des U19, qui a eu deux très bonnes années à ses U18 et U19 avec l'Académie de l'Impact, qui était là dans le 23, qui était pas sur le banc, mais qui était dans le 23 quand même, faut lui donner. Donc, on pourrait peut-être le voir durant les prochaines semaines, c'est ce que ça veut dire. Ben Michael Petrasso qui se blesse, si c'est plus sérieux qu'on pense... Clément Baillat, c'est un fullback. Il joue une position similaire. C'est quelqu'un qui à l'académie était très conscient de son apport offensif, un peu comme Michael Petrasso. Ça serait peut-être quelque chose qu'on verrait si Michael Petrasso fait son apparition sur la liste des blessés à long terme. Parle d'apport offensif. Daniel Lovitz continue à nous impressionner de semaine en semaine avec son apport offensif au sein de l'Impact de Montréal. Le double crochet qui a carrément sorti Nowinski de ses souliers a impressionné, je crois, tout le monde. Mais c'est pas la première fois cette année qu'on voit Lovitz être capable d'utiliser ses talents d'ancien milieu, mais surtout d'utiliser ses instincts et de trouver le moyen de trouver de l'espace, de créer une opportunité, de créer une chance pour un autre. Cette fois-ci, c'était pas pour... ça n'a pas donné, comme on pourrait dire, mais très bien de sa part, et il est beau à voir jouer de ce temps-là. Honnêtement, je te mentirai pas, Kevin. L'année dernière, quand Daniel Lovitz a remporté le titre du joueur défensif de l'année... Par défaut. J'ai crié au scandale, honnêtement. Mais cette année, il nous prouve à quel point il peut être important pour cette équipe-là. Honnêtement, quand on a vu arriver Yukar Haitala, maintenant, il fait usage de défenseur central, mais fait aussi usage de couteau suisse. Couteau suisse de remplacement. Oui, mais quand même, mais de jouer partout sur la ligne derrière, c'est quand même c'est digne de mention. Mais pour revenir à Lovitz, sincèrement, Lovitz, sous Rémi Garde, sous le nouveau staff de l'Impact, est un joueur complètement changé depuis le début de la saison. Il n'y a pas eu de growing pain du côté de Daniel Lovitz. C'est tout un changement. Ça ajoute énormément, surtout à l'apport offensif, parce que c'était pas quelque chose qu'on voyait sous Mauro Biello. Les défenseurs latérales gauche et droite. On avait Assun Camara qui était un peu, mais tu sais... Surtout dans les centres, dans les jeux aériens, Camara, à cause de sa grandeur, était utilisé, mais il y avait une grande demande de son repli défensif très rapide aussi. Je pense que tu mets le point sur quelque chose d'important. Rémi Garde n'a pas peur de faire jouer les joueurs qui ont fait une erreur, de continuer. Et les joueurs n'ont pas l'impression de jouer avec l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête, qui fait que dès qu'ils font une erreur, ils ne voient plus le terrain pour 3 semaines. Et ça, dans le jeu de Lovitz, on peut le voir, il n'a pas peur de monter, pas peur des fois de prendre le ballon, de perdre possession même. Mais il n'a pas peur au moins de l'exécuter. Mais oui, je pense qu'il y a ça aussi, tout à fait. Mais je pense que l'ajout d'un Samuel Piette derrière, d'un Rod Fanny, d'un Rudy Camacho, comme on a vu, qui sont solides défensivement, ça permet à aux défenseurs latéraux de monter, de se commettre offensivement au dépens de peut-être se faire avoir, mais on sait que derrière, c'est solide. Ça a été solide toute l'année, ou ça a été solide du moins pour le mois de juin, la moitié du mois de juillet. Il y a une confiance du côté sur les flancs qu'on n'avait pas vu en début de saison, qu'on n'avait pas vu l'année dernière non plus. Pour terminer l'émission d'après-match, Tristan, le match ce soir n'était pas télédiffusé. Il était sur YouTube, sur canadasoccer.com, impactdemontréal.com et sur Yahoo Sports. En français, il y avait un feed français, si jamais vous avez été capable de l'ouvrir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je vais mentionner quelques faits que pas tous les auditeurs qui sont au courant. L'Association canadienne de soccer a obtenu une entente avec une compagnie qui s'appelle le Canadian Soccer Business il y a environ 2 mois, d'une longueur de 10 ans. Cette entente prévoit que tous les droits de télévision pour le championnat canadien et pour la nouvelle Canadian Premier League qui s'en vient seront vendus, distribués, gérés par la Canadian Soccer Business, qui est l'entité marketing, l'entité d'affaires de la Canadian Premier League, la première ligue canadienne. Cette année, c'est la première fois qu'il y avait un plus grand tournoi aussi. L'année prochaine, on va avoir un tournoi encore un petit peu plus ouvert pour la Coupe des voyageurs. Et je ne serais pas surpris si, durant les quelques prochaines semaines, on commence à entendre filtrer qu'une certaine plateforme de diffusion, DAZN, pour être plus précis, est possiblement l'endroit où on pourra regarder la Coupe des voyageurs et la Ligue première canadienne dans les prochaines années. Une chose aussi, la Coupe internationale des champions, le Champions International Cup, le tournoi exhibition qui a lieu de tous les étés aux États-Unis et quelque part dans le monde, a signé avec DAZN au Canada aussi pour les droits de télédiffusion. Est-ce que la Coupe des voyageurs, l'Association canadienne et le Canadian Soccer Business qui gère les droits de télédiffusion ont été trop gourmands envers les réseaux de télévision? Est-ce qu'ils ont voulu vendre un package deal, comme on pourrait dire, pour inclure les prochaines années de diffusion de la Ligue canadienne première? Plusieurs hypothèses. Toutes nos questions n'ont pas été répondues. Pas de retour d'appel et pas de retour d'email. On a essayé d'avoir plus long, d'en savoir plus long sur ce dossier. Mais sans réponse, on se doit d'avoir une hypothèse. Et selon moi, le blâme doit être porté sur l'Association canadienne et sur Canadian Soccer Business. Oui, bien, c'est tout à fait. Mais d'un certain sens, si tu dis que Canadian Soccer Business, qui est un peu comme le SUM canadien... Un peu beaucoup. Soccer United Marketing, si ça fait juste deux mois que... Un petit peu moins même. C'est la création de l'entité et date de 2 mois, leur premier contrat et le 10 ans avec l'Association canadienne. D'un certain sens, c'est un peu... attaché avec de la corde, là, attaché avec de la ficelle, ça a été fait à la va-vite un petit peu. Mais tout de même, c'est un bon sens pour la plateforme web de Zone qui prend de plus en plus d'importance dans le soccer au Canada. Ils viennent de signer pour la Ligue des champions, la Ligue Europa, qui ne sera pas diffusée à la télé en anglais. C'est quand même... C'est... Ni en français, ni à RDS. Français, je ne suis pas sûr, mais en tout cas en anglais, sûr. RDS, d'après moi, est encore propriétaire des droits de la Ligue des champions. Mais d'un autre sens... Je crois que y a pas assez de monde qui prenne le championnat canadien du côté médiatique au sérieux. Il n'y a pas assez de sérieux dans cette compétition-là. Si Canadian Soccer Business pense que DAZN serait une place fiable et une place où on prend le soccer canadien au sérieux, dans ce cas-là, on y va. Et c'est quand même assez intéressant aussi quand on regarde MLS Live au Canada est disponible seulement sur DAZN depuis cette année. Donc, ce serait une certaine continuité dans la cohérence de DAZN de vouloir profiter d'un certain engouement pour le soccer canadien pour promouvoir leur plateforme au Canada, qui inclut aussi beIN Sports et qui inclut la Liga, Serie A avec Ronaldo, maintenant Juventus, vous allez pouvoir voir sur DAZN. Donc, une certaine cohérence dans certains mouvements de décision d'affaires qui pourraient avoir lieu dans les quelques prochains mois. Oui, c'est vraiment dommage, honnêtement, de pas pouvoir... pas nécessairement que la télé est nécessairement le chemin à prendre pour le futur le futur médiatique. Reste que j'ai tellement eu de commentaires sur Twitter ce soir de le stream marchait pas, c'était broche à foin, tatati, tatata. Reste que c'est le championnat national. Si t'es pour avoir un stream, au moins assure-toi que c'est quelque chose qui a de l'allure. Assure-toi que ça regarde bien, parce que là, ça donne vraiment une image à la CSC très, très semi-pro et très sans nécessairement donner le blâme au semi-pro, mais ça donne raison au RDS, au Sportsnet, au TSN de pas nécessairement avoir voulu faire affaire avec ça, parce que si c'est pour être aussi amateur-ish que ça, pourquoi on mettrait une somme d'argent considérable? Si on pense juste offre et demande, pourquoi je paierais un prix exorbitant si c'est ce que c'était pour vrai? Pourquoi? Puis le fait que l'association ait demandé un gros prix comme on le prétend, pourquoi se négocier quelque chose à un prix fou quand c'est pas organisé d'une très, très bonne façon? Non, puis il y a certaines parts de blâme qui veulent la session canadienne aussi, pour l'organisation du tournoi en tant que tel aussi. C'est toujours un petit peu difficile, c'est jamais ce à quoi on est habitué aussi en tant que journaliste, en tant que fan aussi. Vous n'avez pas les mêmes choses qu'habituelles. Oui, pour ce qui est des fan zones et tout, de l'Impact, c'est quand même organisé par l'Impact, mais tout ce qui est les opérations de match est géré par la session canadienne. Et on était juste surpris d'avoir les statistiques d'après-match. Et juste ça, ça faisait ma journée. En fait, des fois, on les avait même pas les années passées. Donc au moins c'est un départ. Mais c'est quand même quelque chose qui se devra d'être regardé pour l'année prochaine. DAZN est une plateforme assez professionnelle et assez fiable. Donc, si c'est pour être sur DAZN, pour nous qui est évidemment déjà abonnés, on est quand même contents. Mais si c'est pour être sur DAZN, ce qui n'est pas évidemment sûr, c'est juste l'hypothèse la plus plausible en ce moment, au moins, c'est une plateforme fiable. C'est pas comme sur le laptop que si vous aviez Chrome, ça ne marchait pas. Il fallait absolument avoir Edge ou Firefox. À un moment donné, ça commence à être un petit peu délicat. Ben moi, ce que je souhaite sincèrement, que ce soit DAZN, que ce soit TSN, que ce soit même Sportsnet aussi peut-être, dans une hypothèse quelconque, je souhaite vraiment que peu importe qui gagne le bidding war, peu importe avec qui on signe, que ce soit quelque chose, pas un contrat d'un an, pas un contrat de deux ans, je veux quelque chose de long terme, je veux quelque chose de sérieux. Je veux quelque chose qui soit pas on va regarder ça d'un écran quelque part. C'est la chance de prendre ça au sérieux. Si et pour avoir un Canadian Soccer Business, un organisme qui s'assure de la bienveillance du business du soccer canadien, on a une chance. Là, la première année canadienne, là, c'est l'année prochaine. La Coupe des voyageurs, pas la Coupe des voyageurs, mais le championnat canadien, parce que la Coupe des voyageurs, c'est la coupe, c'est le trophée. Elle prend une sérieuse expansion l'année prochaine. Faut pas manquer son coup. Donc, si DAZN, c'est la plateforme qui semble être la bonne, DAZN, vous êtes... C'est à vous, là. C'est à vous d'être sérieux puis de faire que... là, les équipes, Halifax, York, tout ça, eux autres, ils vont s'occuper d'être professionnels sur le terrain. DAZN, là, c'est votre job d'être professionnel sur les airwaves. Bon, on n'a pas de deuxième chance d'en faire une première impression. Et ce qu'on appelle les valeurs de production dans le jargon des médias, vous n'avez pas une deuxième chance d'en faire une première impression aussi. Tout ce qui est graphique, tout ce qui est production du match, télédiffusion et la qualité du potentiel web diffusion pourrait être un grand... pas vers un succès, mais vers un non-succès de la Canadian Premier League aussi. Donc, ce sera un dossier à suivre dans les prochaines semaines. Tristan, merci beaucoup pour ce soir. Plaisir. On rappelle aussi la victoire de Toronto FC 1-0 contre le Fury d'Ottawa à Ottawa. Les matchs retour mercredi prochain, Vancouver et Montréal à Vancouver, Toronto-Ottawa à Toronto, mais avant ça, samedi soir à Portland. Et on se revoit bientôt, Tristan. Oui, bien sûr. Voici l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde. Nicolas. Bonjour Rémi. Bonjour. Peut-être nous parler un petit peu des choix qui ont été faits dans l'alignement. Ce soir, il y avait quand même Tyler, Silva, des joueurs qu'on s'attend à voir samedi contre Portland. Vous avez quand même décidé de les envoyer aujourd'hui. Quelle était l'idée derrière tout ça? C'était de mettre un maximum de chances, presque un maximum de chances, en tout cas beaucoup de chances de notre côté, non pas de se qualifier ce soir, mais d'envoyer un message fort et de montrer que aux joueurs, à tout le monde, qu'on veut gagner la compétition. Est-ce que ce 1-0 là, ici à domicile, est satisfaisant? Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête? On est à la mi-temps, ne pas concéder de but. Avec le but à l'extérieur, on sait que c'est important. Maintenant, on aurait bien aimé pousser pour mettre ce deuxième but. On sait que ce sera difficile là-bas. Mais voilà, on s'est mis dans une position plutôt favorable. On a beaucoup vu, évidemment, les joueurs qui maîtrisaient l'attaque. On a eu les chances de Jackson, les chances de Silva, Tyler. Mais est-ce qu'on peut parler aussi des performances de Kroliki et de Lovitz dans ce match-là? Oui, bien sûr, on peut, si vous voulez. Oui, mais ça aide à le faire. Bien sûr, Ken Kroliki, voilà, c'est un joueur qui monte en puissance dans la saison. Il monte en puissance peut-être à vos yeux, aux yeux du grand public, mais de manière plus intérieure. Voilà, moi on avait deviné avec mon staff un potentiel intéressant chez ce joueur. Déjà lors du combine, je vous le rappelle, où il a quand même passé les deux tours où on était content de le voir réapparaître le dimanche et pouvoir mettre la main dessus parce qu'il nous avait fait une très bonne impression. Maintenant, entre passer d'un joueur universitaire du combine aux prestations qu'il fait aujourd'hui et à l'importance qu'il a pris dans l'équipe, c'est une belle performance. Voilà. Maintenant, dans le football, tout est fragile, tout est remis en cause tous les samedis. Donc, à lui de continuer à bien travailler, de garder la tête sur les épaules comme il l'a jusqu'à présent. Oui. Quelle évaluation vous faites du travail de Clément Thiers ce soir, même s'il n'a pas été très occupé? Il n'a pas été très occupé. Ils ont eu une grosse occasion en première mi-temps. En deuxième, pas trop. Clément, c'est un gardien aussi qui a bien travaillé, qui a bien progressé avec Joël, comme les quatre gardiens dont Joël s'occupe. Voilà, j'étais satisfait. Je lui avais demandé de briller spécialement, voilà, de faire son match. Et il n'a pas eu beaucoup de travail, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Coach, how are you feeling about the result tonight? 1-0, but clearly you were trying to go for more with the changes by putting Piatti in late. Are you satisfied with one or would you have liked to have seen more? Of course, I would have preferred to score the second one, to have a bigger advantage before going over there, because we know we have been playing there and we know that it can be a tough place. But then I had to manage as well the game that we have to play in Portland in 3 days. Then, you know, it's half time. We didn't concede any goal. If we have the chance to score one over there, it will be important for us. Then half time for both teams. Est-ce qu'on réussit à accorder égale importance au championnat canadien et à la MLS qui se passe en même temps? Disons que de par l'histoire du club, je sais aussi que cette coupe a permis d'entrouvrir de très belles pages de l'histoire de l'Impact de Montréal. Donc je ne l'ai pas oublié et je sens aussi chez les joueurs un désir important de jouer cette compétition. Donc voilà, on ne sacrifie aucune des deux compétitions. Il y a quelques rotations qui s'opèrent parmi les joueurs. Voilà, c'est des opportunités aussi pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de participer à la remontée et à la prise de confiance de l'équipe, de rentrer dans une équipe maintenant qui est en confiance et de montrer ce qu'ils peuvent faire aussi. Rémi, l'équipe a bien défendu l'avance en fin de partie. Parlez-vous en début de saison de l'importance de disputer un bon 90 minutes, pas seulement les 60 premières. Comment vous appréciez l'effort, et particulièrement de la protection de l'avance en fin de rencontre? Je pense que maintenant, la confiance qui a été générée par les bons résultats ces dernières semaines, et surtout à domicile, qui permet de garder le ballon en deuxième mi-temps avec un travail qu'on fait au niveau tactique, qui nous permet de défendre en attaquant. Voilà, quand on garde un peu plus le ballon, quand on peut le conserver collectivement, on a moins d'efforts défensifs à faire aussi. Donc l'idée, elle est là. Mais aussi, je dois dire que la concentration de l'équipe, le niveau de la concentration de l'équipe est bien supérieur à ce qu'il a été par le passé. Mathieu Chouanière, on n'en a pas parlé. Il a joué ses premières minutes. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à ça avant le match, de le faire jouer ce soir? Et pourquoi lui avoir fait signer son contrat hier? Qu'est-ce qui vous a convaincu au final? Ce qui me convainc chez Mathieu, c'est qu'il a, beaucoup de qualités. Il a beaucoup de qualités qui, avec du travail et de la persévérance, devraient lui permettre d'avoir de plus en plus de temps de jeu. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était, dans la foulée de son contrat et de cette compétition, qui est aussi une compétition pour les Canadiens, qui leur tient à cœur, encore plus peut-être qu'à tous les autres, même si nous, elle nous tient beaucoup à cœur. Voilà, c'était de concrétiser la signature du contrat, mais c'est pas sous forme de cadeau. Mathieu mérite, il n'est pas très loin de pouvoir jouer en MLS. Voilà, il y a aussi de la confiance à gagner. C'est progressif, 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, une demi-heure. J'espère que pour lui et pour l'équipe, qu'il apportera ce qu'il sait faire. Can you comment on the game, the strong game, obviously, that Jackson and all played? He was all over the place, could have probably scored 2-3 goals easily. Sorry, I didn't understand. I just wanted you to comment on the game that Anthony played. Yeah. He was unlucky because he could have scored 2, as you said, and he tried to do his best, and I like the way he tried to be involved in the collective movement. And for all my players, I ask as well that they are committed to the defensive task, and which is quite different probably than what Jackson was used to play and to do the previous year. But then now he's more involved in this position, and I was happy to see that as well. Samuel. Voici la conférence de presse d'après-match avec deux joueurs de l'Impact de Montréal, Daniel Lovitz et Samuel Piette, qui agissait en tant que capitaine ce soir pour l'Impact. Peut-être commencer par Sam, 1-0 ici à domicile avant d'aller jouer au BC Place. Est-ce que c'est suffisant dans votre esprit? Est-ce que c'est le scénario idéal? Ben, nous, ce qu'on voulait, c'est pas concéder. De se prendre un but à la maison. On sait que dans ce championnat-là, cette compétition-là, quand tu te prends un but à la maison, c'est toujours difficile. Donc, on a marqué, on n'a pas pris, je pense que c'est ça l'objectif. Après, on va aller là-bas avec la même mentalité de gagner le match. Donc, si on est capable de mettre un but là-bas, je pense que ça va être très difficile pour eux de remonter. Mais je pense qu'en ce moment, on est dans une bonne position pour avancer à la finale. Alexis. So Daniel, you played a game with a different goalie for rare time over the last few years. How was the relationship with Turner on the field? Did it feel any different than when it's ever happened? Of course, it felt different. It's always a different bit of a look when you look back to check to see and get instructions from him. But the great thing about Clément is that he's very consistent. And when we have the luxury of playing with him every day and training with him every day, so for us, we knew what he was going to bring to the table, and it gives us confidence. So that part didn't really change. But it's nice to be on the field and winning with different groups of players all the time. And it's very important for guys to feel like they're a part of what we have going on, and they very much are. And he's a huge part of what we're trying to do, and tonight he was great. Daniel, we felt that you were very involved offensively with the ball. You had a great game on the left side. How confident are you with the way you're playing right now? Very confident. I think that's the, I haven't had, games that I was able to highlight my, offensive ability sometimes, but I still felt confident in what I was able to bring to the team. I continue to be, try to be an option for my teammates in higher positions up the field. And the most important part for me is when I do receive the ball, to be as dangerous as possible and try to involve other players and make the opposing defense kind of, have a different look. It's not always Nacho dribbling at them. It's me running around them. Sophia causing problems and myself added. We've seen this become a difficult thing to defend for some teams, and for me, it's great. I love being on the ball higher up the field. It's awesome. I love defending as well, but Anytime you can help the team score goals and unbalance the defense, you feel great, and tonight was a great showing for that. Sam, where the captain's armband tonight, Canadian Championships, what did the whole experience mean to you? Yeah, it was an honor for me to wear the captain band. But you know, it's just a title. I think I'm one of a leader in this group because I think I'm well appreciated from everybody. I take this team and you know the game very seriously, and especially this one because it's the Canadian Championship. I said it before, just another game for me. I prepare the same way, but obviously it has a little flavor, a little extra, obviously. And to be able to bring that cup here in Montreal will be huge for me. Bon, en 2015, vous avez été champion, c'est bien la question. Ça a été un moment historique de l'Impact de Montréal. De quoi tu te rappelles de ce moment-là? Est-ce que tu l'as vécu comme spectateur? Ouais, je crois à l'époque j'étais en Allemagne ou en Espagne, je me souviens plus trop. Mais non, je sais que ça l'a fait beaucoup jaser. Là, on parle du championnat canadien, qui est bon, il y a seulement 5-6 équipes, puis il y en a certains qui disent que c'est un petit tournoi, mais ça peut nous amener justement à vivre des gros moments, à jouer des matchs importants. La Ligue des champions, je pense que toutes les équipes veulent aller là. J'en parlais avec Alejandro avant le match, puis il disait que les clubs de l'Amérique du Sud, c'est ça leur priorité. Donc, pour nous, de gagner ce tournoi-là, faire en sorte qu'on se rende à la Ligue des champions, puis je pense que ça rajoute un bonus à nous. Un trophée, de pouvoir gagner un trophée, de dire qu'on a gagné quelque chose, ce serait aussi, en tout cas pour moi, ce serait le premier trophée que je gagne. Donc, ce serait, c'est ce qu'on veut, puis c'est là qu'on veut s'en aller. Do either of you have any concern that the lack of a second goal will come back to haunt this team on the road next week? For me, yes. I think, you know, not just the context of this coming game, but I think it's a very important attribute that good teams have. It's getting on top of the game, you know, making sure that as the game goes on, we keep the zero. But of course, when we score one, how quickly can we score the second? I don't think this is the case, but I know teams have a tendency to kind of rest when they know they've scored and they're one up in a game. We know how dangerous a 2-0 lead can be in this sport, and that's talked about a lot, but I think maybe we overlook how dangerous 1-0 is. I think it's very important that we add that to our game as we progress. You know, this is a very good moment for us in the way we've been able to string games together and have some good wins and good performances, but I think all of the guys would agree that, you know, it's better to win 3-4-0 than 1-0, especially at home. We feel like we can get on top of teams, and like you said, on the road, it'll be a different situation sometimes. I think that'll really benefit us moving forward to get that second and third goal when we're able to. You have a very big week coming up, like a big MLS game in Portland, and then having to go to Vancouver for a second leg. How do you approach this mentally? Because it's two different things, but two tough situations. Yeah, definitely. You know, the most important thing is to focus on the next, you know, available challenge, which is in front of us. Right now it's Portland. After Portland, it'll be Vancouver again, and then we come home against another good team. So we try not to look forward too much, but we know that this month will move very fast, and it'll benefit us in a way that will test us in different ways. But more importantly, I think it'll allow a lot of the team to get involved in games and to have a very good showing for a lot of players that deserve a chance. And we're going to move forward as a group and make sure that what we put together this last month and a half, 2 months, is not for nothing. I think it's very important for us to have confidence and to have it embodied by a bigger pool of players. But this will be a good experience for this group. We have a lot of people, including the staff, that are new to the league. It's a good trip. We've been to Vancouver before, obviously, but Portland's a special place to play. They're in a good run of form as well. So for us, we're just very excited more than anything. It's a very exciting time for us. Une dernière, peut-être, François? Oui. Pour Samuel, vous avez enchaîné des résultats très positifs là, lors des dernières semaines. En quoi ça a aidé pour le résultat de ce soir? Ben, c'est sûr que rentrer dans ce tournoi-là avec beaucoup de bons résultats et des bonnes performances aussi nous a donné encore plus de confiance. Maintenant, on est imbattu à la maison en 6 matchs. C'est gros. On sait que, bon, en MLS, c'est une ligue où tu dois de prendre le maximum de points à la maison, étant donné que c'est toujours difficile de jouer à l'extérieur, d'accumuler des points. Mais on l'a fait. On est à Seattle, on a gagné. Orlando, on l'a fait. Vancouver, je me souviens du premier match. On perd 2-1, mais on a beaucoup poussé à la fin. Donc je pense que c'est très faisable de prendre un résultat là-bas. Mais non, c'était très important de rentrer dans ce tournoi-là avec une bonne atmosphère puis une bonne beaucoup de confiance. Pour terminer l'émission, voici Mathieu Choignard, le plus récent joueur de l'Académie de l'Impact à avoir signé un contrat professionnel avec la première équipe et aussi avoir fait ses premières minutes ce soir et a même sonné la cloche après le match. Voici Mathieu Choignard. Gros feeling, surtout quand je suis rentré sur le terrain. Beaucoup d'émotions. C'était un plaisir de jouer mes premières minutes avec l'Impact. Qu'est-ce qui te passait par la tête à ce moment-là? Je me suis juste dit, reste calme. Parce que tu sais faire, tu as joué au foot toute ta vie, donc c'est comment gérer ces moments. Est-ce que tu as entendu le bassin de la vie? Pendant mes minutes sur le terrain, j'ai rien entendu, j'étais dans ma bulle, concentré. Donc peut-être la foule a crié, merci. Qu'est-ce que Rémi t'a demandé de faire sur le terrain? Parce qu'il s'attendait à ce que tu sois sur le terrain, évidemment. C'est quoi les discussions que vous aviez eues avant? Il m'a parlé rapidement, il m'a juste dit « fais ce que tu sais faire, comme aux entraînements, change pas avec ton parcours à l'académie, qu'est-ce que tu savais faire. » Et voilà. Est-ce qu'il y a un des vétérans qui est venu te voir quand tu es entré sur le terrain, vous avez quelques mots? Ouais, la plupart des gars m'ont juste dit « garde le jeu simple, on mène au score, on défend, continue à travailler fort et voilà. » Surtout qu'avec un avance de seulement 1-0, il y avait encore un enjeu, c'était pas des minutes à temps perdu? Ouais, c'est ça, 1-0, il fallait garder le score. Non, les gars m'ont beaucoup aidé pour ça. Ils me communiquaient beaucoup sur droite, gauche, qu'est-ce que je devais faire, rester serein. L'an passé, David avait marqué à Vancouver pour le championnat canadien. Ça a été quoi vos discussions avant ce match-là? Est-ce que vous avez parlé de ton frère un petit peu du match? Non, on n'a pas beaucoup parlé. Il m'a juste dit, si tu rentres, tu fais bien. c'est tout? Ouais. c'est pas mal tout. Merci Mathieu. Merci beaucoup Mathieu.